En direct d'une canne de thon, vous écoutez Respecte les dauphins. Bonjour et bienvenue à l'émission Respecte les dauphins cette semaine, édition du 9 avril 2009 qui commence un petit peu en retard, comme vous l'avez sûrement remarqué. En fait, je n'appellerai pas ça en retard, je vais plutôt appeler ça une émission écourtée cette semaine, seulement une heure des dauphins. Et la raison en fait est bien simple et un peu présage de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, c'est que mon travail qui est saisonnier commence à être plutôt demandant pour moi, donc de moins en moins de temps pour me présenter ici les jeudis à 16h comme je l'ai fait dans la dernière année. Et d'ailleurs c'est presque la fin en fait pour l'émission Respecte les dauphins dans sa formule actuelle, en tout cas peut-être une version estivale plus légère, écourtée, ça reste à voir, mais reste seulement une semaine, il reste la demi émission d'aujourd'hui et une semaine la semaine prochaine, et ensuite ça va être terminé pour les dauphins. Donc peut-être qu'on va se retrouver ailleurs un autre moment, je l'espère. Pour ce qui est l'émission aujourd'hui, ben c'est ça, c'est seulement une heure, donc ça va être assez concentré. Beaucoup de musique qui va être extraite des palmarès, et on va commencer ça d'ailleurs tout de suite avec une pièce extraite du palmarès anglophone, c'est de Gentleman Reg, c'est la pièce Coastlines. On écoute ça tout de suite, la Respecte les dauphins. Scour down off a coast to far, almost dry out off a coast to far. Shake your shoreline, lazy near and far, but at the same time. On skin that we undress, beauty of the swim where we do best. But that's not why I'm here in this disguise. It's simply to be near under the sky. Across the Yeah. Oui, donc c'est Vanesse Pariétaire qu'on vient d'entendre avec la pièce Vanesse Pariétaire. Je parlais un peu la semaine dernière à l'émission La Dernière Porte à Gauche que Vanesse Pariétaire allait faire une très courte apparition, en fait, une de leurs pièces à l'émission Tout le monde en parle. Et puis finalement, j'ai décidé là d'écouter ça du coin de l'oreille dimanche dernier. Je me suis dit que, bon, tant qu'à être assis chez nous sur mon ordinateur, aussi bien ouvrir la télé et puis avoir ça comme bruit de fond. Et puis, fallait vraiment pas le manquer. Hein. Fallait être très attentif. Ça a vraiment pas été long. C'était vraiment quelques secondes. C'était vraiment utilisé comme cue pour s'en aller à la pause. Mais quand même, ce qui est cool, c'est que quand même le nom de l'album et le nom du groupe, le nom de la pièce, tout ça a été marqué à l'écran. Donc j'imagine que ça doit quand même avoir un certain effet. Juste avant ça, ce qu'on avait entendu, c'était Gentleman Reg avec la pièce Coastlines. Et maintenant, on va s'en retourner tout de suite en musique. Je dirais qu'on va faire ça dans les prochaines secondes. Oui, on va entendre André avec la pièce qui est dans les palmarès francophones ces temps-ci. C'est la pièce qu'on appelle Les Brigades Rouges. Et on l'écoute tout de suite à Respecte les Dauphins sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Quand dans toutes les situations. Je m'en retrouve pogné comme un con à me poser toujours les mêmes maudites questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'âme? Voyage pour m'évader, je m'en vais d'un sud pour me réchauffer. Aussitôt revenu, je me sens toujours comme un con. Plastique, je vais me faire poser un nouveau nez. Aussitôt l'opération terminée, je me sens toujours comme un con. Ramène-moi dans ton pays, le mien ne veut pas exister. Change-moi en moi, change-moi en imam. De toute façon, je n'ai pas d'identité. Toujours à l'émission Respecte les dauphins en compagnie de Kiwan sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est le roi poisson avec la pièce Le Con. Juste avant ça, on avait entendu Lonely Deer avec la pièce Airport Surrounding. Lonely Deer, un artiste que je connaissais pas énormément jusqu'à récemment, mais c'est la position numéro 1 du top 10 électronique de C'est fou. Et je trouve que je m'attarde pas assez souvent personnellement, et puis je pense que je suis pas le seul qui a ça à se reprocher, mais on s'attarde pas assez au top 10 électronique de C'est fou. On prend la peine de le compiler, mais c'est assez rare qu'on le consulte et qu'on le diffuse. Et pourtant, il y a des choses vraiment très, très intéressantes ces temps-ci, particulièrement Lonely Deer, Mr. Valeur, Bio Bazaar, Beast. C'est les quatre premières positions. C'est vraiment très bon. Si vous voulez consulter le palmarès électronique et tous les palmarès en fond de C'est fou, vous allez au www.cfou.ca. C'est très simple. Maintenant, dans le prochain bloc, ce qu'on va aller écouter, Non, pas de pause tout. On va continuer en musique. On fera pas de pause pour l'instant. On va continuer en musique avec La Patte Rose, groupe que j'adore. Vous savez, j'en fais beaucoup passer depuis qu'on a reçu l'album ici. C'est vraiment très bon. On va écouter la pièce L'Éponge, qui a une sonorité un peu populaire, mais la richesse des arrangements, là, vraiment la profondeur des arrangements faits par les gars de Mister Valeur qui sont dans le groupe La Patte Rose distingue vraiment cette pièce-là et puis l'album au complet de tout ce qui existe, de tout ce qui se fait dans quelconque branche de pop, vraiment. Même si la pièce L'Éponge a vraiment une petite sonorité populaire, là, on est vraiment très très loin de ce qui se fait généralement. Plus j'écoute cette pièce-là, pas juste cette pièce-là, en fait, plus j'écoute l'album et plus je me rends compte vraiment là, de toute la richesse des arrangements de cette musique-là. C'est très très fort, c'est vraiment très bien fait. Et en plus, plus on écoute cet album-là, en tout cas moi personnellement, plus j'écoute l'album, plus j'écoute la voix de Fanny Bloom et ses textes, et plus je suis en amour avec elle. Donc un jour, je vais me marier avec elle, je vous l'annonce. Un jour, moi et Fanny Bloom, on va se marier et vous serez invités, vous, chers dauphins et palmiers et autres auditeurs de C'est fou. Mais bon, en attendant, parlez-en pas trop parce que c'est un projet secret encore, mon mariage avec Fanny Bloom, donc on n'en parle pas. On garde ça entre nous et on écoute L'Éponge tout de suite de La Patte Rose. L'escalier dedans, la pièce, il me transporte, il me...

C'était Black Diamond Bay avec la pièce Brothers in Exile. C'est dans le palmarès anglophone cette semaine ici. Assez fou, c'est à la position numéro 12. Juste avant ça, on avait entendu Antoine Graton avec la pièce 500 000 milles. C'est aussi dans le palmarès francophone. Ça, c'est la position numéro 4 du palmarès francophone cette semaine. Et vous savez que on est jeudi. On est le premier jeudi du mois, ou à peu près, le deuxième, en fait. Mais bon, peu importe. C'est le 9 avril aujourd'hui et c'est ce soir qu'aura lieu la quatrième représentation, je crois, des spectacles, je sais plus comment trop les appeler, thématiques, je dirais, d'Antoine Graton. Peu importe. C'est ce soir. C'est à l'Embuscade. Donc, jeudi le 9 avril, si vous écoutez en direct. Antoine Graton du côté de l'Embuscade. Il se passe quand même plusieurs trucs cette semaine à Trois-Rivières, plusieurs spectacles intéressants. Demain soir, le 10 avril, il y a entre autres Avec Podcast avec les frères Goyette, c'est au Nord-Ouest Café ici. Donc, on va entendre une pièce d'Avec Podcast dans le prochain bloc. Et aussi, QTR, pas QTR, mais bien Université en spectacle, c'est demain soir aussi, le 10 avril. Je sais pas s'il reste des billets, mais bon, si ça vous intéresse, c'est 8$ en prévente, je crois, et 12$ à la porte, quelque chose du genre. C'est disponible au comptoir de l'AGE. Et on va entendre une pièce de Alexandre Desilets dans le prochain bloc, parce que c'est lui qui est l'artiste invité qui va assurer la deuxième partie du spectacle. Donc, c'est pas mal ce qui se dessine pour le prochain bloc musical Avec Podcast, Alexandre Desilets. Mais on commence ça tout de suite avec la courte pièce titre de l'album de Carl-Éric Hudon, Anana Bongo Love. Bon de voir tes cheveux Ah, j'adore la flûte à bec dans cette pièce-là, vraiment. Là. J'aime vraiment ça pour vrai. Donc, c'est avec podcast, avec la pièce « L'amour passe à travers le linge » et c'est ce qui termine l'émission. Une émission qui a passé vraiment vite, hein, seulement une heure, ça paraît. Donc, comme je le disais avec podcast, que c'est demain soir, le 10 avril, du côté du Nord-Ouest Café, avec les frères Goyette en plus. Vraiment un très, très bon spectacle en perspective. Là. J'espère que je vais être là. Je me le souhaite, en tout cas. Sinon, ben, il se passe plein d'autres trucs. Université en spectacle. Sinon, ben, surveillez vos médias locaux. C'est ça que vous faites présentement, je le sais. Mais bon, dans une émission écourtée comme ça, on n'a pas le temps de tout préparer et tout vous dire. Donc, en tout cas, surveillez vraiment ce qui se passe chez vous. Supportez votre scène locale. Et moi, je vous laisse parce que c'est la fin de l'émission. Et puis, la semaine prochaine, c'est la dernière émission de Respect les Dauphins. Donc, je vais essayer de faire ça bien, de faire ça beau, de faire ça en grand. Je vais essayer d'avoir de la visite. Je vous le promets, ça devrait être pas pire. Donc, soyez là, jeudi prochain, 16h, pour la dernière de Respect les Dauphins. Sinon, ben, je vais vous retrouver tout l'été, les vendredis soirs à 20h, pour la dernière Porte à gauche et à quelque part dans les palmarès, assurément. Et on va se laisser avec Alexandre Desilets et la pièce L'éphémère. Bye bye. Que l'éphémère